Chapitre 3. La troupe du Signor Vitalis. Sans doute, je dormis toute la nuit sous l'impression du chagrin et de la crainte, car le lendemain matin, en m'éveillant, mon premier mouvement fut de tâter mon lit et de regarder autour de moi pour être certain qu'on ne m'avait pas emporté. Pendant toute la matinée, Barberin ne me dit rien et je commençais à croire que le projet de m'envoyer à l'hospice était abandonné. Sans doute Mère Barberin avait parlé, elle l'avait décidé à me garder. Mais comme midi sonnait, Barberin me dit de mettre ma casquette et de le suivre. Effrayé, je tournai les yeux vers Mère Barberin pour implorer son secours. Mais à la dérobée, elle me fit un signe qui disait que je devais obéir. En même temps, un mouvement de sa main me rassura. Il n'y avait rien à craindre. Alors, sans répliquer, je me mis en route derrière Barberin. La distance est longue de notre maison au village. Il y en a bien pour une heure de marche. Cette heure s'écoula sans qu'il m'adressât une seule fois la parole. Il marchait devant, doucement, en clopinant, sans que sa tête fît un seul mouvement. Et de temps en temps, il se retournait, tout d'une pièce, pour voir si je le suivais. Où me conduisait-il? Cette question m'inquiétait, malgré le signe rassurant que m'avait fait Mère Barberin. Et pour me soustraire à un danger que je pressentais sans le connaître, je pensais à me sauver. Dans ce but, je tâchais de rester en arrière. Quand je serais assez loin, je me jetterais dans le fossé et il ne pourrait pas me rejoindre. Tout d'abord, il se contenta de me dire de marcher sur ses talons. Mais bientôt, il devina sans doute mon intention et me prit par le poignet. Je n'avais plus qu'à le suivre, ce que je fis. Ce fut ainsi que nous entrâmes dans le village et tout le monde sur notre passage se retourna pour nous voir passer, car j'avais l'air d'un chien hargneux qu'on mène en laisse. Comme nous passions devant le café, un homme qui se trouvait sur le seuil appela Barberin et l'engagea à entrer. Celui-ci, me prenant par l'oreille, me fit passer devant lui, et quand nous fûmes entrés, il referma la porte. Je me sentis soulagé. Le café ne me paraissait pas un endroit dangereux, et puis d'un autre côté, c'était le café, et il y avait longtemps que j'avais envie de franchir sa porte. Le café de l'auberge Notre-Dame, qu'est-ce que cela pouvait bien être? Combien de fois m'étais-je posé cette question? J'avais vu des gens sortir du café, la figure enluminée et les jambes flageolantes. En passant devant sa porte, j'avais souvent entendu des cris et des chansons qui faisaient trembler les vitres. Que faisait-on là-dedans? Que se passait-il derrière ces rideaux rouges? J'allais donc le savoir. Tandis que Barberin se plaçait à une table avec le maître du café qu'il avait engagé à entrer, j'allais m'asseoir près de la cheminée et regarder autour de moi. Dans le coin opposé à celui que j'occupais, se trouvait un grand vieillard à barbe blanche qui portait un costume bizarre et tel que je n'en avais jamais vu. Sur ses cheveux qui tombaient en longues mèches sur ses épaules, était posé un haut chapeau de feutre gris orné de plumes vertes et rouges. Une peau de mouton, dont la laine était en dedans, le serrait à la taille. Cette peau n'avait pas de manches, et par deux trous ouverts aux épaules sortaient les bras vêtus d'une étoffe de velours qui, autrefois, avait dû être bleue. De grandes guêtres en laine lui montaient jusqu'aux genoux. Elles étaient serrées par des rubans rouges qui s'entrecroisaient plusieurs fois autour des jambes. Il se tenait allongé sur sa chaise, le menton appuyé dans sa main droite. Son coude reposait sur son genou ployé. Jamais je n'avais vu une personne vivante dans une attitude si calme. Il ressemblait à l'un des saints en bois de notre église. Auprès de lui, trois chiens tassés sous sa chaise se chauffaient sans remuer. Un caniche blanc, un barbet noir et une petite chienne grise à la mine futée et douce. Le caniche était coiffé d'un vieux bonnet de police retenu sous son menton par une lanière de cuir. Pendant que je regardais le vieillard avec une curiosité étonnée, Barberin et le maître du café causaient à demi-voix et j'entendais qu'il était question de moi. Barberin racontait qu'il était venu au village pour me conduire au maire, afin que celui-ci demandât aux hospices de lui payer une pension pour me garder. C'était donc là ce que Mère Barberin avait pu obtenir de son mari, et je compris tout de suite que si Barberin trouvait avantage à me garder près de lui, je n'avais plus rien à craindre. Le vieillard, sans en avoir l'air, écoutait aussi ce qui se disait. Tout à coup, il étendit la main droite vers moi et s'adressant à Barberin, « C'est cet enfant-là qui vous gêne, » dit-il avec un accent étranger. « Lui-même. Et vous croyez que l'administration des hospices de votre département va vous payer des mois de nourrice ?»« Dame, puisqu'il n'a pas de parents et qu'il est à ma charge, il faut bien que quelqu'un paye pour lui. C'est juste, il me semble. » « Je ne dis pas non, mais croyez-vous que tout ce qui est juste se fait ?»« Ah, pour ça, non. Eh bien, je crois bien que vous n'obtiendrez jamais la pension que vous demandez. » »« Eh bien, alors, il ira à l'hospice. Il n'y a pas de loi qui le force à rester quand même dans ma maison si je n'en veux pas. » »« Vous avez consenti autrefois à le recevoir. C'était prendre l'engagement de le garder. » »« Eh bien, je ne le garderai pas. Et quand je devrai le mettre dans la rue, je m'en débarrasserai. » « Il y aurait peut-être un moyen de vous en débarrasser tout de suite, » dit le vieillard après un moment de réflexion, « et même de gagner à cela quelque chose. Si vous me donnez ce moyen-là, je vous paye une bouteille, et de bon cœur encore. Commandez la bouteille et votre affaire est faite. » « Sûrement ? Sûrement. » Le vieillard, quittant sa chaise, va s'asseoir vis-à-vis de Barberin. Chose étrange, au moment où il se leva, sa peau de mouton fut soulevée par un mouvement que je ne m'expliquais pas. C'était à croire qu'il avait un chien dans le bras gauche. Qu'allait-il dire? Qu'allait-il se passer? Je l'avais suivi des yeux avec une émotion cruelle. « Ce que vous voulez, n'est-ce pas, dit-il, c'est que cet enfant ne mange pas plus longtemps votre pain. Ou bien s'il continue à le manger, c'est qu'on vous le paye. Juste parce que... Oh, le motif, vous savez, ça ne me regarde pas. Je n'ai donc pas besoin de le connaître. Il me suffit de savoir que vous ne voulez plus de l'enfant. S'il en est ainsi, donnez-le-moi, je m'en charge. » « Vous le donnez ? Dame, ne voulez-vous pas vous en débarrasser ? Vous donnez un enfant comme celui-là ? Un si bel enfant ? Car il est bel enfant, regardez-le. » « Mais je l'ai regardé. » « Rémi, viens ici. » Je m'approchai de la table en tremblant. « Allons, n'aie pas peur, petit, » dit le vieillard. « Regardez, » continua Barberin. « Je ne dis pas que c'est un vilain enfant. Si c'était un vilain enfant, je n'en voudrais pas. Les monstres, ce n'est pas mon affaire. Ah, si c'était un monstre à deux têtes, ou seulement un nain. Vous ne parleriez pas de l'envoyer à l'hospice. Vous savez qu'un monstre a de la valeur et qu'on peut en tirer profit, soit en le louant, soit en l'exploitant soi-même. Mais celui-là n'est ni nain ni monstre, bâti comme tout le monde. Il n'est bon à rien. Il est bon pour travailler. Il est bien faible. Lui, faible ? Allons donc. Il est fort comme un homme, et solide, et sain. Tenez, voyez ses jambes. En avez-vous jamais vu de plus droite ? » Barberin releva mon pantalon. « Trop mince, » dit le vieillard. « Et ses bras ? » continua Barberin. « Ses bras sont comme les jambes. Ça peut aller, mais ça ne résisterait pas à la fatigue et à la misère. » « Lui, ne pas résister ? Mais tâtez donc, voyez, tâtez vous-même. » Le vieillard passa sa main décharnée sur mes jambes en les palpant, secouant la tête et faisant la moue. J'avais déjà assisté à une scène semblable quand le marchand était venu pour acheter notre vache. Lui aussi l'avait tâtée et palpée. Lui aussi avait secoué la tête et fait la moue. Ce n'était pas une bonne vache, il lui serait impossible de la revendre, et cependant il l'avait achetée puis emmenée. « Le vieillard allait-il m'acheter et m'emmener ? « Ah, mère Barberin, mère Barberin !» Malheureusement, elle n'était pas là pour me défendre. Si j'avais osé, j'aurais dit que la veille, Barberin m'avait précisément reproché d'être délicat et de n'avoir ni bras ni jambes. Mais je compris que cette interruption ne servirait à rien qu'à m'attirer une bourrade. Et je me tus. « C'est un enfant comme il y en a beaucoup, » dit le vieillard. « Voilà la vérité. Mais un enfant des villes. Aussi est-il bien certain qu'il ne sera jamais bon à rien pour le travail de la terre. Mettez-le un peu devant la charrue à piquer les bœufs. Vous verrez combien il durera. 10 ans. Pas un mois. Mais voyez-le donc. Voyez-le vous-même. » J'étais au bout de la table, entre Barberin et le vieillard, poussé par l'un, repoussé par l'autre. « Enfin, dit le vieillard, tel qu'il est, je le prends. Seulement, bien entendu, je ne vous l'achète pas. Je vous le loue. Je vous en donne 20 francs par an. 20 francs. C'est un bon prix et je paye d'avance. Vous touchez 4 belles pièces de 100 sous et vous êtes débarrassé de l'enfant. Mais si je le garde, l'hospice me payera plus de 10 francs par mois. Mettez-en 7, mettez-en 8, je connais les prix. Et encore, faudra-t-il que vous le nourrissiez. Il travaillera. Si vous le sentiez capable de travailler, vous ne voudriez pas le renvoyer. Ce n'est pas pour l'argent de leur pension qu'on prend les enfants de l'hospice, c'est pour leur travail. On en fait des domestiques qui payent et ne sont pas payés. Encore un coup, si celui-là était en état de vous rendre des services, vous le garderiez. En tout cas, j'aurai toujours les 10 francs. Et si l'hospice, au lieu de vous le laisser, le donne à un autre, vous n'aurez rien du tout. Tandis qu'avec moi, pas de chance à courir. Toute votre peine consiste à allonger la main. Il fouilla dans sa poche et en tira une bourse de cuir dans laquelle il prit 4 pièces d'argent qu'il étala sur la table en les faisant sonner. « Pensez donc, s'écria Barberin, que cet enfant aura des parents un jour ou l'autre. Qu'importe, il y aura du profit pour ceux qui l'auront élevé. Si je n'avais pas compté là-dessus, je ne m'en serais jamais chargé. » Ce mot de Barberin, « si je n'avais pas compté sur ses parents, je ne me serais jamais chargé de lui », me fit le détester un peu plus encore. Quel méchant homme! « C'est parce que vous ne comptez plus sur ses parents, dit le vieillard, que vous le mettez à la porte. Enfin, à qui s'adresseront-ils ses parents, si jamais ils paraissent? À vous, n'est-ce pas, et non à moi, qu'ils ne connaissent pas? Et si c'est vous qui les retrouvez? Alors, convenons que s'il a des parents un jour, nous partagerons le profit, et je mets 30 francs. Mettez-en 40. Non, pour les services qu'il me rendra, ce n'est pas possible. Et quel service voulez-vous qu'il vous rende? Pour de bonnes jambes, il a de bonnes jambes. Pour de bons bras, il a de bons bras. Je m'en tiens à ce que j'ai dit. Mais enfin, à quoi le trouvez-vous propre? Le vieillard regarda Barberin d'un air narquois et vidant son verre à petits coups. « À me tenir compagnie, dit-il. Je me fais vieux. Et le soir, quelquefois, après une journée de fatigue, quand le temps est mauvais, j'ai des idées tristes. Il me distraira. Il est sûr que pour cela, les jambes seront assez solides. Mais pas trop, car il faudra danser, et puis sauter, et puis marcher, et puis après avoir marché, sauter encore. Enfin, il prendra sa place dans la troupe du signor Vitalis. Et où est-elle, votre troupe? Le signor Vitalis, c'est moi, comme vous devez vous en douter. La troupe, je vais vous la montrer, puisque vous désirez faire sa connaissance. » Disant cela, il ouvrit sa peau de mouton et prit dans sa main un animal étrange qu'il tenait sous son bras gauche serré contre sa poitrine. C'était cet animal qui plusieurs fois avait fait soulever sa peau de mouton, mais ce n'était pas un petit chien comme je l'avais pensé. Quelle pouvait être cette bête? Était-ce même une bête? Je ne trouvais pas de nom à donner à cette créature bizarre que je voyais pour la première fois et que je regardais avec stupéfaction. Elle était vêtue d'une blouse rouge bordée d'un galon doré, mais les bras et les jambes étaient nus, car c'était bien des bras et des jambes qu'elle avait, et non des pattes. Seulement ses bras et ses jambes étaient couverts d'une peau noire, et non blanche ou carnée. Noire aussi était la tête, grosse à peu près comme mon poing fermé. La face était large et courte, le nez était retroussé avec des narines écartées, les lèvres étaient jaunes, mais ce qui plus que tout me frappa, ce furent 2 yeux très rapprochés l'un de l'autre, d'une mobilité extrême, brillants comme des miroirs. « Ah, le vilain singe !» s'écria Barberin. Ce mot me tira de ma stupéfaction, car si je n'avais jamais vu des singes, j'en avais au moins entendu parler. Ce n'était donc pas un enfant noir que j'avais devant moi, c'était un singe. « Voici le premier sujet de ma troupe, » dit Vitalis, « c'est Monsieur Jolicoeur. Jolicoeur, mon ami, saluez la société. » Jolicoeur porta sa main fermée à ses lèvres et nous envoya à tous un baiser. « Maintenant, » continua Vitalis en détendant sa main vers le caniche blanc, « à un autre. Le signor Capi va avoir l'honneur de présenter ses amis à l'estimable société ici présente. » À ce commandement, le caniche, qui jusque-là n'avait pas fait le plus petit mouvement, se leva vivement et se dressant sur ses pattes de derrière, il croisa ses 2 pattes de devant sur sa poitrine. Puis il salua son maître si bas que son bonnet de police toucha le sol. Ce devoir de politesse accompli, il se tourna vers ses camarades et d'une patte, tandis qu'il tenait toujours l'autre sur sa poitrine, il leur fit signe d'approcher. Les deux chiens, qui avaient les yeux attachés sur leurs camarades, se dressèrent aussitôt, et se donnant chacun une patte de devant, comme on se donne la main dans le monde, ils firent gravement 6 pas en avant, puis après 3 pas en arrière, et saluèrent la société. « Celui que j'appelle Capi, continua Vitalis, autrement dit Capitano en italien, est le chef des chiens. C'est lui qui, comme le plus intelligent, transmet mes ordres. Ce jeune élégant à poils noirs est le signor Zerbino, ce qui signifie le galant, nom qu'il mérite à tous les égards. Quant à cette jeune personne, à l'air modeste, c'est la signora Dolce, une charmante anglaise qui n'a pas volé son nom de douce. C'est avec ses sujets remarquables à des titres différents que j'ai l'avantage de parcourir le monde en gagnant ma vie plus ou moins bien, suivant les hasards de la bonne ou de la mauvaise fortune. Capi !» Le caniche croisa les pattes. « Capi, venez ici, mon ami, et soyez assez aimable, je vous prie. Ce sont des personnages bien élevés, à qui je parle toujours poliment. Soyez assez aimable pour dire à ce jeune garçon qui vous regarde avec des yeux ronds comme des billes, quelle heure il est. » Capi décroisa ses pattes, s'approcha de son maître, écarta la peau de mouton, fouilla dans la poche du gilet, en tira une grosse montre en argent, regarda le cadran et jappa 2 fois distinctement. Puis après ces 2 jappements bien accentués, d'une voix forte et nette, il en poussa 3 autres plus faibles. Il était en effet 2h15. « C'est bien, dit Vitalis. Je vous remercie, signor Capi. Et maintenant, je vous prie d'inviter la signora Dolce à nous faire le plaisir de danser un peu à la corde. » Capi fouilla aussitôt dans la poche de la veste de son maître et en tira une corde. Il fit un signe à Zerbino et celui-ci alla vivement lui faire vis-à-vis. Alors Capi lui jeta un bout de la corde et tous deux se mirent gravement à la faire tourner. Quand le mouvement fut régulier, Dolce s'élança dans le cercle et sauta légèrement en tenant ses beaux yeux tendres sur les yeux de son maître. « Vous voyez, dit celui-ci, que mes élèves sont intelligents. Mais l'intelligence ne s'apprécie à toute sa valeur que par la comparaison. Voilà pourquoi j'engage ce garçon dans ma troupe. Il fera le rôle d'une bête, et l'esprit de mes élèves n'en sera que mieux apprécié. » « Oh, pour faire la bête, interrompit Barberin. Il faut avoir de l'esprit, continua Vitalis, et je crois que ce garçon n'en manquera pas quand il aura pris quelques leçons. Au reste, nous verrons bien. Et pour commencer, nous allons en avoir tout de suite une preuve. S'il est intelligent, il comprendra qu'avec le signor Vitalis, on a la chance de se promener, de parcourir la France et 10 autres pays, de mener une vie libre au lieu de rester derrière des bœufs à marcher tous les jours dans le même champ, du matin au soir. Tandis que s'il n'est pas intelligent, il pleurera, il criera, et comme le signor Vitalis n'aime pas les enfants méchants, il ne l'emmènera pas avec lui. Alors l'enfant méchant ira à l'hospice, où il faut travailler dur et manger peu. » J'étais assez intelligent pour comprendre ces paroles, mais de la compréhension à l'exécution, il y avait une terrible distance à franchir. Assurément, les élèves du signor Vitalis étaient bien drôles, bien amusants, et ça devait être bien amusant aussi de se promener toujours. Mais pour les suivre et se promener avec eux, il fallait quitter Mère Barberin. Il est vrai que si je refusais, je ne resterais peut-être pas avec Mère Barberin. On m'enverrait à l'hospice. Comme je demeurais troublé, les larmes dans les yeux, Vitalis me frappa doucement du bout du doigt sur la joue. « Allons, dit-il, l'enfant comprend puisqu'il ne crie pas. La raison entrera dans cette petite tête. Et demain... »« Oh, monsieur, m'écriai-je, laissez-moi, maman Barberin, je vous en prie. » Mais avant d'en avoir dit davantage, je fus interrompu par un formidable aboiement de Capi. En même temps, le chien s'élança vers la table sur laquelle Jolicoeur était resté assis. Celui-ci, profitant d'un moment où tout le monde était tourné vers moi, avait doucement pris le verre de son maître qui était plein de vin, et il était en train de le vider. Mais Capi, qui faisait bonne garde, avait vu cette friponnerie du singe, et en fidèle serviteur qu'il était, il avait voulu l'empêcher. « Monsieur Jolicoeur, dit Vitalis d'une voix sévère, vous êtes un gourmand et un fripon. Allez vous mettre là-bas, dans le coin, le nez tourné contre la muraille. Et vous, Zerbino, montez la garde devant lui. S'il bouge, donnez-lui une bonne claque. Quant à vous, monsieur Capi, vous êtes un bon chien. Tendez-moi la patte que je vous la serre. » Tandis que le singe obéissait en poussant des petits cris étouffés, le chien, heureux, fier, tendait la patte à son maître. « Maintenant, continua Vitalis, revenons à nos affaires. Je vous donne donc 30 francs. »« Non, 40. » Une discussion s'engagea, mais bientôt Vitalis l'interrompit. « Cet enfant doit s'ennuyer ici, dit-il. Qu'il aille donc se promener dans la cour de l'auberge et s'amuser. » En même temps, il fit un signe à Barberin. « Oui, c'est cela, dit celui-ci. Va dans la cour, mais n'en bouge pas avant que je t'appelle, ou sinon je me fâche. » Je n'avais qu'à obéir, ce que je fis. J'allai donc dans la cour, mais je n'avais pas le cœur à m'amuser. Je m'assis sur une pierre et restai à réfléchir. C'était mon sort qui se décidait en ce moment même. Quel allait-il être? Le froid et l'angoisse me faisaient grelotter. La discussion entre Vitalis et Barberin dura longtemps, car il s'écoula plus d'une heure avant que celui-ci vînt dans la cour. Enfin, je le vis paraître. Il était seul. Venait-il me chercher pour me remettre aux mains de Vitalis? « Allons, me dit-il, en route pour la maison. » « La maison? Je ne quitterai donc pas Mère Barberin? » J'aurais voulu l'interroger, mais je n'osais pas, car il paraissait de fort mauvaise humeur. La route se fit silencieusement. Mais environ 10 minutes avant d'arriver, Barberin, qui marchait devant, s'arrêta. « Tu sais, me dit-il en me prenant rudement par l'oreille, que si tu racontes un seul mot de ce que tu as entendu aujourd'hui, tu le payeras cher. Ainsi, attention. » Chapitre 4. La maison maternelle. « Eh bien, demanda Mère Barberin quand nous rentrâmes, qu'a dit le maire ? Nous ne l'avons pas vu. »« Comment, vous ne l'avez pas vu ? Non, j'ai rencontré des amis au café Notre-Dame, et quand nous sommes sortis, il était trop tard. Nous y retournerons demain. » Ainsi, Barberin avait bien décidément renoncé à son marché avec l'homme au chien. En route, je m'étais plus d'une fois demandé s'il n'y avait pas une ruse dans ce retour à la maison. Mais ces derniers mots chassèrent les doutes qui s'agitaient confusément dans mon esprit troublé. Puisque nous devions retourner le lendemain au village pour voir le maire, il est certain que Barberin n'avait pas accepté les propositions de Vitalis. Cependant, malgré ces menaces, j'aurais parlé de mes doutes à Mère Barberin si j'avais pu me trouver seule un instant avec elle. Mais de toute la soirée, Barberin ne quitta pas la maison et je me couchai sans avoir pu trouver l'occasion que j'attendais. Je m'endormis en me disant que ce serait pour le lendemain. Mais le lendemain, quand je me levai, je n'aperçus point Mère Barberin. Comme je la cherchais en rôdant autour de la maison, Barberin me demanda ce que je voulais. « Maman, elle est au village, elle ne reviendra qu'après midi. » Sans savoir pourquoi, cette absence m'inquiéta. Elle n'avait pas dit la veille qu'elle irait au village. Comment n'avait-elle pas attendu pour nous accompagner puisque nous devions y aller après-midi? Serait-elle revenue quand nous partirions? Une crainte vague me serra le cœur. Sans me rendre compte du danger qui me menaçait, j'eus cependant le pressentiment d'un danger. Barberin me regardait d'un air étrange, peu fait pour me rassurer. Voulant échapper à ce regard, je m'en allai dans le jardin. Ce jardin, qui n'était pas grand, avait pour nous une valeur considérable, car c'était lui qui nous nourrissait, nous fournissant, à l'exception du blé, à peu près tout ce que nous mangions. Pommes de terre, fèves, choux, carottes, navets. Aussi n'y trouvait-on pas de terrain perdu. Cependant, Mère Barberin m'en avait donné un petit coin, dans lequel j'avais réuni une infinité de plantes, d'herbes, de mousses, arrachées le matin à la lisière des bois, ou le long des haies, pendant que je gardais notre vache, et replanté l'après-midi dans mon jardin, pêle-mêle, au hasard, les unes à côté des autres. Assurément, ce n'était point un beau jardin, avec des allées bien sablées et des plates-bandes divisées au cordeau, pleines de fleurs rares. Ceux qui passaient dans le chemin ne s'arrêtaient point pour le regarder par-dessus la haie d'épines tondue au ciseau, mais tel qu'il était, il avait ce mérite et ce charme de m'appartenir. Il était ma chose, mon bien, mon ouvrage. Je l'arrangeais comme je voulais, selon ma fantaisie de l'heure présente. Et quand j'en parlais, ce qui m'arrivait 20 fois par jour, je disais « mon jardin ». C'était pendant l'été précédent que j'avais récolté et planté ma collection. C'était donc au printemps qu'elle devait sortir de terre, les espèces précoces sans même attendre la fin de l'hiver, les autres successivement. De là ma curiosité, en ce moment vivement excitée. Déjà les jonquilles montraient leurs boutons, dont la pointe jaunissait. Les lilas de terre poussaient leurs petites hampes pointillées de violet, et du centre des feuilles ridées des primes verts sortaient des bourgeons qui semblaient prêts à s'épanouir. Comment tout cela fleurirait-il? C'était ce que je venais voir tous les jours avec curiosité. Mais il y avait une autre partie de mon jardin que j'étudiais avec un sentiment plus vif que la curiosité, c'est-à-dire avec une sorte d'anxiété. Dans cette partie de jardin, j'avais planté un légume qu'on m'avait donné et qui était presque inconnu dans notre village, des topinambours. On m'avait dit qu'ils produisaient des tubercules bien meilleurs que ceux des pommes de terre, car ils avaient le goût de l'artichaut, du navet et plusieurs autres légumes encore. Ces belles promesses m'avaient inspiré l'idée d'une surprise à faire à Mère Barberin. Je ne lui disais rien de ce cadeau. Je plantais mes tubercules dans mon jardin. Quand ils poussaient des tiges, je lui laissais croire que c'était des fleurs. Puis un beau jour, quand le moment de la maturité était arrivé, je profitais de l'absence de Mère Barberin pour arracher mes topinambours. Je les faisais cuire moi-même. Comment, je ne savais pas trop, mais mon imagination ne s'inquiétait pas d'un aussi petit détail. Et quand Mère Barberin rentrait pour souper, je lui servais mon plat. Qui était bien étonnée? Mère Barberin. Qui était bien contente? Encore Mère Barberin. Car nous avions un nouveau mets pour remplacer nos éternelles pommes de terre, et Mère Barberin n'avait plus autant à souffrir de la vente de la pauvre Roussette. Et l'inventeur de ce nouveau mets, c'était moi, moi Rémi. J'étais donc utile dans la maison. Avec un pareil projet dans la tête, on comprend combien je devais être attentif à la levée de mes topinambours. Tous les jours, je venais regarder le coin dans lequel je les avais plantés, et il semblait à mon impatience qu'ils ne pousseraient jamais. J'étais à 2 genoux sur la terre, appuyé sur mes mains, le nez baissé dans mes topinambours, quand j'entendis crier mon nom d'une voix impatiente. C'était Barberin qui m'appelait. Que me voulait-il? Je me hâtai de rentrer à la maison. Quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir devant la cheminée Vitalis et ses chiens. Instantanément, je compris ce que Barberin voulait de moi. Vitalis venait me chercher, et c'était pour que Mère Barberin ne pût pas me défendre que le matin Barberin l'avait envoyé au village. Sentant bien que je n'avais ni secours ni pitié à attendre de Barberin, je courus à Vitalis. « Oh, monsieur, m'écriai-je, je vous en prie, ne m'emmenez pas. » Et j'éclatai en sanglots. « Allons, mon garçon, me dit-il assez doucement, tu ne seras pas malheureux avec moi. Je ne bats point les enfants. Et puis tu auras la compagnie de mes élèves qui sont très amusants. Qu'as-tu à regretter? Mère Barberin, Mère Barberin. En tout cas, tu ne resteras pas ici, dit Barberin en me prenant rudement par l'oreille. C'est monsieur ou l'hospice? Choisis. Non, Mère Barberin. Ah, tu m'ennuies à la fin, s'écria Barberin qui se mit dans une terrible colère. S'il faut te chasser d'ici à coups de bâton, c'est ce que je vais faire. « Cet enfant regrette sa mère Barberin, dit Vitalis. Il ne faut pas le battre pour cela. Il a du cœur, c'est bon signe. Si vous le plaignez, il va hurler plus fort. Maintenant aux affaires. » Disant cela, Vitalis étala sur la table 8 pièces de 5 francs que Barberin en un tour de main fit disparaître dans sa poche. « Où est le paquet ? » demanda Vitalis. « Le voilà, répondit Barberin en montrant un mouchoir en cotonnade bleue noué par les 4 coins. Vitalis défit ses nœuds et regarda ce que renfermait le mouchoir. Il s'y trouvait 2 de mes chemises et 1 pantalon de toile. « Ce n'est pas de cela que nous étions convenus, dit Vitalis. Vous deviez me donner ces affaires et je ne trouve là que des guenilles. Il n'en a pas d'autres. Si j'interrogeais l'enfant, je suis sûr qu'il dirait que ce n'est pas vrai. mais je ne veux pas disputer là-dessus, je n'ai pas le temps. Il faut se mettre en route. Allons, mon petit. Comment se nomme-t-il ? Rémi. Allons, Rémi, prends ton paquet et passe devant Capi. En avant, en marche. Je tendis les mains vers lui, puis vers Barberin, mais tous deux détournèrent la tête, et je sentis que Vitalis me prenait par le poignet. Il fallut marcher. Ah, la pauvre maison ! Il me sembla, quand j'en franchis le seuil, que j'y laissais un morceau de ma peau. Vivement, je regardai autour de moi. Mes yeux obscurcis par les larmes ne virent personne à qui demander secours. Personne sur la route, personne dans les prés d'alentour. Je me mis à appeler. « Maman, Mère Barberin !» Mais personne ne répondit à ma voix, qui s'éteignit dans un sanglot. Il fallut suivre Vitalis, qui ne m'avait pas lâché le poignet. « Bon voyage !» cria Barberin, et il rentra dans la maison. Hélas, c'était fini. « Allons, Rémi, marchons, mon enfant, » dit Vitalis, et sa main tira mon bras. Alors je me mis à marcher près de lui. Heureusement, il ne pressa point son pas. Et même je crois bien qu'il le régla sur le mien. Le chemin que nous suivions s'élevait en lacets le long de la montagne, et à chaque détour, j'apercevais la maison de Mère Barberin qui diminuait. Bien souvent, j'avais parcouru ce chemin, et je savais que quand nous serions à son dernier détour, j'apercevrais la maison encore une fois, puis qu'aussitôt que nous aurions fait quelques pas sur le plateau, ce serait fini. Plus rien. Devant moi l'inconnu, derrière moi la maison où j'avais vécu jusqu'à ce jour si heureux et que sans doute je ne reverrai jamais. Heureusement la montée était longue. Cependant, à force de marcher, nous arrivâmes au haut. Vitalis ne m'avait pas lâché le poignet. « Voulez-vous me laisser reposer un peu ?» lui dis-je. « Volontiers, mon garçon. » Et pour la première fois, il desserra la main. Mais en même temps, je vis son regard se diriger vers Capi, et faire un signe que celui-ci comprit. Aussitôt, comme un chien de berger, Capi abandonna la tête de la troupe et vint se placer derrière moi. Cette manœuvre acheva de me faire comprendre ce que le signe m'avait déjà indiqué. Capi était mon gardien. Si je faisais un mouvement pour me sauver, il devait me sauter aux jambes. J'allais m'asseoir sur le parapet gazonné, et Capi me suivit de près. Assis sur le parapet, je cherchais de mes yeux obscurcis par les larmes la maison de Mère Barberin. Au-dessous de nous descendait le vallon que nous venions de remonter, coupé de prés et de bois, puis tout au bas se dressait, isolée, la maison maternelle, celle où j'avais été élevée. Elle était d'autant plus facile à trouver au milieu des arbres qu'en ce moment même une petite colonne de fumée jaune sortait de sa cheminée et montant droit dans l'air tranquille s'élevait jusqu'à nous. Soit illusion du souvenir, soit réalité, cette fumée m'apportait l'odeur des feuilles de chêne qui avaient séché autour des branches débourrées avec lesquelles nous avions fait du feu pendant tout l'hiver. Il me sembla que j'étais encore au coin du foyer, sur mon petit banc, les pieds dans les cendres quand le vent s'engouffrant dans la cheminée nous rabattait la fumée au visage. Malgré la distance et la hauteur à laquelle nous nous trouvions, les choses avaient conservé leurs formes nettes et distinctes, diminuées, rapetissées seulement. Sur le fumier, notre poule, la dernière qui resta, allait de ça, de là. Mais elle n'avait plus sa grosseur ordinaire, et si je ne l'avais pas bien connue, je l'aurais prise pour un petit pigeon. Au bout de la maison, je voyais le poirier au tronc crochu que pendant si longtemps j'avais transformé en cheval. Puis, à côté du ruisseau qui traçait une ligne blanche dans l'herbe verte, je devinais le canal de dérivation que j'avais eu tant de peine à creuser pour qu'il allât mettre en mouvement une roue de moulin fabriquée de mes mains. Laquelle roue, hélas, n'avait jamais pu tourner, malgré tout le travail qu'elle m'avait coûté. Tout était là, à sa place ordinaire, et ma brouette, et ma charrue, faite d'une branche torse, et la niche dans laquelle j'élevais des lapins quand nous avions des lapins, et mon jardin, mon cher jardin. Qui les verrait fleurir, mes pauvres fleurs? Qui les arrangerait, mes topinambours? Barberin, sans doute, le méchant Barberin. Encore un pas sur la route, et à jamais tout cela disparaissait. Tout à coup, dans le chemin qui du village monta à la maison, j'aperçus au loin une coiffe blanche. Elle disparut derrière un groupe d'arbres, puis elle reparut bientôt. La distance était telle que je ne distinguais que la blancheur de la coiffe qui, comme un papillon printanier aux couleurs pâles, voltigeait entre les branches. Mais il y a des moments où le cœur voit mieux et plus loin que les yeux les plus perçants. Je reconnus Mère Barberin. C'était elle, j'en étais certain. Je sentais que c'était elle. « Eh bien, demanda Vitalis, nous mettons-nous en route ?»« Oh, monsieur, je vous en prie. »« C'est donc faux ce qu'on disait. Tu n'as pas de jambes ?»« Pour si peu, déjà fatigué. Cela ne nous promet pas de bonne journée. » Mais je ne répondis pas, je regardais. C'était Mère Barberin, c'était sa coiffe, c'était son jupon bleu, c'était elle. Elle marchait à grands pas, comme si elle avait hâte de rentrer à la maison. Arrivée devant notre barrière, elle la poussa et entra dans la cour qu'elle traversa rapidement. Aussitôt je me levai, debout sur le parapet, sans penser à Capi qui sauta près de moi. Mère Barberin ne resta pas longtemps dans la maison. Elle ressortit et se mit à courir de ça de là, dans la cour, les bras étendus. Elle me cherchait. Je me penchai en avant et de toutes mes forces, je me mis à crier. « Maman ! Maman !» Mais ma voix ne pouvait ni descendre, ni dominer le murmure du ruisseau. Elle se perdit dans l'air. « Qu'as-tu donc ? » demanda Vitalis. « Deviens-tu fou ?» Sans répondre, je restai les yeux attachés sur Mère Barberin. Mais elle ne me savait pas si près d'elle, et elle ne pensa pas à lever la tête. Elle avait traversé la cour, et revenue sur le chemin, elle regardait de tous côtés. Je criai plus fort, mais comme la première fois, inutilement. Alors, Vitalis, soupçonnant la vérité, monta aussi sur le parapet. Il ne lui fallut pas longtemps pour apercevoir la coiffe blanche. « Pauvre petit, » dit-il à mi-voix. « Oh, je vous en prie, » m'écriai-je, encouragé par ces mots de compassion. « Laissez-moi retourner. » Mais il me prit par le poignet et me fit descendre sur la route. « Puisque tu es reposé, » dit-il, « en marche, mon garçon. » Je voulus me dégager, mais il me tenait solidement. « Capi, » dit-il, « Zerbino. » Et les deux chiens m'entourèrent. Capi derrière, Zerbino devant. Il fallut suivre Vitalis. Au bout de quelques pas, je tournai la tête. Nous avions dépassé la crête de la montagne et je ne vis plus ni notre vallée, ni notre maison. Tout au loin seulement, des collines bleuâtres semblaient remonter jusqu'au ciel. Mes yeux se perdirent dans des espaces sans bornes.